de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. Eri, on se retrouve pour l'émission Hind à Brezhoneg, Pemkan, Pem à Daugen. 545. Pemkan Pem à Daugen, c'est ça? Oui, voilà. Et on commence par Gerio Arvué. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un verbe qu'on entend très souvent, c'est « chèche ». Alors là, la prononciation varie un peu selon les endroits. C'est « change » ou « chèche », c'est « changer », quoi. Hein, voilà. Alors c'est moins littéraire que la forme « quément », hein, qui est de la même origine, hein, mais beaucoup plus employée, en fait. Hein. On l'entend presque quotidiennement, hein, « mat soma me changera vat ». Ce qui veut dire bien, c'est bien, mais changer, ça veut du bien. Matsoma, mais change ravat. Voilà. Alors, c'est un verbe qui a été emprunté à l'ancien français, alors que quément est emprunté directement au latin. C'est pour ça que dans un cas, on a le ka, et dans l'autre cas, on a le che, qui est en ancien français, qui est dérivé du ka latin. Voilà. Alors, le participe passé, c'est changet. Hein, changet intro. Hein. Voilà, changer. La base verbale c'est chinch, hein. Alors il y a un petit tilde, hein, sur le n, hein. On parle beaucoup du tilde ces temps-ci. Ah oui. Oui, un petit tilde sur le, pour que ça fasse chinch ou change. Mais bon, comme je le dis, selon les communes, on a une prononciation un peu différente. Ici on dit change, hein, carrément. Voilà. Donc le participe passé change, la base verbale change. Et le participe passé, change, changet, changet intro, changet des namser, hein. On me dit, change mon namser aussi, hein. Changera un namser, hein. Le temps change, hein. Changes-tu? Bah oui, j'y pensais. Changes-tu dis chup, là, Oui. C'est de l'actualité, hein. Changes-tu dis chup, on dit ça pour un politicien, par exemple, qui tourne sa veste, hein. Changes-tu? On trouve ça dans certaines chansons aussi, hein. Change-tu Madeleine Dustu, hein. Change-tu Madeleine, Madeleine, change-tu Madeleine Dustu, voilà. Donc change-tu, c'est très très employé, hein. Et on dit aussi traînichup, là. Voilà. Alors des expressions, change peine d'orvas, changer de boue au bâton, c'est-à-dire changer les choses de fond en comble, quoi. Se faire la révolution un peu, quoi. Hein. Change... Que ce ne soit pas toujours les mêmes qui prennent les coups de bâton, c'est ça? Voilà, change peine de base, hein. Bonne. Change parc de Londres. C'est changer de champ aux animaux, hein. Changer de pâture, hein. Changement d'herbage réjouit les veaux, disait la chanson. Il y a un sens, oui, il y a un sens, bon, figuré. Il y a un sens figuré, hein. C'est changer les choses aussi, hein. Change parc de Londres, hein, au sens figuré, changer les habitudes, par exemple. Hein. Y a aussi change d'our d'herbusug, hein. C'est uriner, tout simplement. Ah, c'est mignon. Ouais. Change d'our, voilà. Change tireten, changer de tiroir, ça veut dire changer de conversation. Change tireten. Hein. Bon, gêné, là, oui, quand on est un peu gêné, là, qu'on passe à autre chose, quoi. Change tireten. Voilà. L'expression change dit change aussi, qui est en fait un adjectif, hein. Instable, versatile, hein. Et so change dit change. Hein, donc, qui ne tient pas sur une ligne précise, hein. Voilà. Change mot, hein. Change mot, très employé, hein. Changer de façon de faire, hein. Voilà. Change bro pour émigrer, quoi, pas s'en aller, partir. Voilà. Change bro Marie-Louise, la chanson de Langevin. Oui, change bro, oui. Change millénaire. Alors, il y avait un proverbe qui disait change millénaire, change l'air. Changer de meunier, changer de voleur. Oh, les pauvres meuniers étaient souvent brocardés comme ça. Alors, il y a bien sûr le mot changement, hein, qui est le changement, hein, qui est calqué sur le français, hein, et sur le verbe change. Pewayru notre ou badière ou changement de base de mandeur. hein, la chanson Heure millénaire, justement, quand le maître est rentré, il y avait du changement dans la maison, puisque il était parti depuis 18 mois et quand il est revenu, il y avait un nouvel héritier dans la maison, quoi. Voilà, ça jette un froid. Changement de Zoban Amzer, hein. Et puis pour terminer, Gwelmi Tiel Agenanku, Rakal de Changement en Chou. C'est-à-dire, la Saint-Michel et la mort changent beaucoup de choses chaque année, quoi. Voilà. Mais c'est bien de finir là-dessus. Eh ben, n'est que fin, la vie déchue. On passe à la seconde partie. Brezonek, Tambe à Tambe. Brezonek Tambe à Tambe, avec un petit tour à Zantolok, ce village parfait, où tout le monde parle breton, même les Anglais, et où se promène Chanik, la journaliste de radio du coin, et en général elle va faire des petites interviews, c'est ça Henri hein? C'est ça oui, et là elle va voir Job Nedelec, hein, qui est l'instituteur en retraite bien connu, qui est président de Bleu News Zantolok, qui est une association d'animation de la commune de Zantolok. Salut Job, ma de jeu. Ma tri, Chanik, à Ganar. Ma tri, Yves. Mais, l'aridine, gwelet meus war ar gazeten, et wabet un DL ar veia dek bazan tolek. Ya, Chanik, tipe der gweje bla, vek red ze, gant ar gevridigus, bleu nous an tolek. Ak zul gwej, vek plus jadur. A kar zadu da zo bet? Ya, tost gant du de wa un DL, evid ar vejman. Tu te cause, tu diaong, a mam eus bugale. A zon eurien? Ya, zon eurien, quand Erion compte Erion, Régoz Arayawang, Bipsortraus ou Biclevet, Contadenu, Kanoenu, Zoneres Gan Bipsort Binvio, Trujan Gaul, Telen, Binu, Bombard, Bristen Diol, Ag Zurz ou Biplija dur Milardar, Awaler ou Abin Antamfez Nons, Trohanter Nons. On reprend phrase à phrase ce dialogue entre Chanik et Job. Salut Job, malageux. Oui, salut Job, ça va? Ma très Chanik, à Ganar. Ça va bien, et avec vous? Puisqu'ils vous voient dans le coin ici, on vous voit tout le monde. Hein. Pemri très margat, zantolok. Ma très. Oui, très bien. Met l'aridine, gwelet meus war gazeten, et wabet un DL, ur veillade ba zantolok. Oui, j'ai vu dans le journal qu'il y avait eu l'autre jour une veillée à Saint-Olek. Ya Chanik, diou peder gwechabla et vegretze gant ar geverdigez bleu nioz an tolok. Oui, deux ou trois fois par an, On organise cela avec l'association Bleu-Nous Zantol. Ça veut dire les fleurs de Zantol. À Zulgwech et Vépligea à Dur. Et à chaque fois, il y a du plaisir. À Kajzadut et Zobit. Il y a eu beaucoup de monde. Ah, yeah. Tos de Gandandut et Warvechement. Oui, Tos de Gandandut, il y avait pas loin de 100 personnes cette fois-ci. Tu te causes, tu dis ouang, qu'à même ce bugal. Tu te causes, hein, des vieux, des jeunes, tu dis ouang, à même et même des enfants. À Zonneurien. Oui, et des sonneurs. Ah, ya, yeah. Zonneurien, conteurien, cornerien. Oui, il y a eu des sonneurs, des conteurs, des chanteurs. Régoz à Guerrilla ouang. Des vieux et des jeunes. Bepser Traus au Beklevet. On a entendu toutes sortes de choses. Contadeno, Kanaweno, Zoneres Gan Pepsert Binvio. Oui, donc des contes, des chansons, de la musique avec toutes sortes d'instruments. Trejengol, Telen, Binu, Bombarde, Buestendiol. Oui, alors clarinette, harpe, Binu, Bombarde et accordéon Buestendiol, la boîte du diable. Hein. L'accordéon. Avec une dute bandance, et vide, je suis un osis. Et les gens dans la danse, hein. Et les gens dans la danse, hein, pour finir la soirée. Trente ternos. Oui, vers minuit. Ben, on termine là? Voilà, échu. Échu. Et on passe à Petra Zone Vervaux. Trazonné Vervron. Ben, Calzedrau et Veljus, Bouervej Diouzon. Krogom de Dientan, Velkiz, Acustum, Gandela, Bourdoua, Agervu et Warermes. Tramanede, vraiment, Gouelian, Ag, Bon, Ayon, Banan, vraiment, Bandevejou, Hir, Melarin, Mod, Ag, Marie, Adam, Zor, Dom, Zobit, Bamise, Venin, Pesvek, Gouelalis, sais-tu, VFB Mod, quand au Bordeaux, vraiment, j'aurais fait Gloahiol, Régose là, Gloahiol, au nom de Zorvat de Plantocol, à ses augures. Chaumont Montan, moi, là, Bordeaux, en Aïn. Cudé nous au roi, grande prise de l'aise. Buenusque Cotaille au Tinoir à l'aise, prise au Chaumont Diesel. À Gouscoudé, Meusguelet, normande prise normande how are guer on tomat mais même stra prise les chambre reisel et vite pay au cargo zaverion zaules c'est tu zo b de manifesta dego direct opérative au grand produirion les ag bon zeso andra red mesra quand on disclum benec bénéfice et vite mort et guel rentro chambre rama de prise ag prise bois de mort zo edward row. C'est une vie de Zaverian mort, et qu'elle rentre au vide de Pesso, vide de Zaverian Zaoulès. Végel, moi, comme je tarde de ce ministre, veuillez l'or pour doux, ou à aide, ou à garde, ou ministre de l'or pour doux, ou à l'air Stéphane Orfol, à Hins ou à Jacques Mézard. Moi, là, ni vois que Bédom, ni j'ai que Bédom sort d'une vraie alcalse, mais dès qu'on de vire, plusieurs, n'est que chôme mélomise bénéfine. De ce que Bédom sort d'une vraie alnador calse droit. Ag, bon, vraiment, à plusieurs, ou arrête, quand on en de, bah, dans de la place, Ferrand, vide, ministre, intériade, ou Richard Ferrand, ag, hem eus oed oa i blas na anon. Ag, on denel, Stéphane Traver, moa ke be klet komp deus un den zo c'hoaz, e so deus bro en Normandi, deus ur manj, pe la rin mat, eus o be randvet, ministre la bo douar. Deja, zo be don tam jech ble, grand tan ag Nicolas Hulot, war dachen a pesticide, pe louzeyer chimik, pe yon hem oa e du vid... Had raid neutreges vid dern deus nid cotinoïd hag Nicolas Hulot neus lard de vok gret bon tam jech blez obe war ze quoi. Bon gwell o pe sa mot vok kont benefin unistien tan neus ro de rezon de Nicolas Hulot mais bon pe dur on komz war deus war ze politikerez deus lor bourdou ar an bed war dachen ar politikerez tramede neidro deus bon déjà ou abe de votade gou villa kadonde ou ar trône d'Agobert vel ar e vange kontlek hag oae de notre ou Macron a waler zo be de votade gou vid un député et a vid broplo hermel korn broplo hermel n'en ke bet ve do vich pu dur Paul Molag oae de barz zun tol kenta Paul Molag zo hana ve de mad vid la bon eus gret vid o brezon famille oriez ou Gwask de Provence Drevras, plusieurs ni wakinig d'un de lesen, vite kaswarog, yezu Gwasket. Mais de bon jiwazwa que bevote, plusieurs wa, wakhegrin, galou de Jacobinet, vidormar, avec Gwarat Pius au Jacobin, gambe député, mais de bénéfine, bijonge, vous nisoir, vous gwel de blaze, y tombe, zorwat. Bavro, bakanvro, am, moi, de, maud, gan, Yannick Erlogot, hag, zo, meskol, diou, yezek, a zo, han, ave, mat, bavro, vid, de, labour, ra, war, dro, zevena, dur. Yannick Erlogot, wa, en, de, anni, le, werou, hag, zo, be, de, jusmat, de, zo, ne, ni, wa, kinig, dans les, an, ive, vid, vid, leur, yezou, gwasket, a gaillé lesen zo a bevotet ba kamp deputeet. Met bon benefin de ketram de ba de kamp regoz ba sena, quoi. Ou a rang pet vo gret gant de lesen zem. Ba korn vro loudiak, ou a on an yo wang Olivier Alain en de Marc Le Fur, nan y koz, met Marc Le Fur zo chom en même estra, ferme ou a y gader, hag zo chom de Wai Gordon. Hendel, ar président neve, zo bet dilenet, evit Breiz ive, hein, Loïc Chenet Girard, el se je vel ar 200 mezon, en so mer, ba livre, ba Breiz uvel. A zo et ba place en drion. Bon. Dans mon temps, moi, d'achen un endro, vraiment. Comme je vais calzer mar et bande, un tour yo avel. Puis dur, on ne peut blaver ziouzo, ve gwelet, vezave de tour yo avel, on tombe pebler à Breiz. A vraiment, zo raktre sou roz, ba malone, tos de vengam, a ba gronvel. Bon, et vel juste, au tu de ineb, à tu de du, hein, vel, kis accustim. Gwelet, vos pesamo de vos comptes. Des vaisseaux et aide Nicolas Hulot, ministre d'un endro, a que déjà ne scudé nous gagne Blaisy. Blaisy. En Braise ne scudé Blaisy, mais, bah, les squad guarex ou deux, mais, Hendel, de ce que Blaise dit une pelzo, mais de bah Christy Brovrans, zo Heikal, zo Blaise Brommen, ag bon zo Cudé, nous Ganze, puis zo Bellar, Kal, zo Dinve, de Warland, et Gander Blaise. A dern zo Villar, on est tout, dern zo Villar, on eub, de bon, dern zo Vid, Féviguari, zet Blaise, c'est zo, zo Cudé, nous Ganze, a Mahat, vo Clé, comme zo, roise de zo Blaise. Blaise is un deux de ce bro Italie, quoi. Ou ce coup des wabela que de reprendre de l'arte, ouais, que droit dans le zone de la Provence. Mais de me mestra. Vejo gontandard de ce Nintourne, bon, de prestige vos digor de ligne Nintourne neve très, bon à Roison, avec un train là qu'au de rentre de zone de Sparis, Beta Rose, on a dit rentre de zone de Vengam. Avec bon, Réniveau Rouen, dans de Paris, Halo Monde, Vounissa. Végenombre, je regonte en d'art de zone hostelier, Iso Bavro, avec Zerd, Kalsne. Mais vide, Végenombre n'est que d'un hostelier, Iso Seri, mais un hostelier, Iso Tigor, Iso bah, Crostas, Iso Tigor, Neveso. A gezo hang le ti dadaf, a set uzo nasteler i bazan e gouden dare, hag chans vader la an de nasteler iz de gratud de non gaud a devo bar semblez. Hendel war dach e leze veladur, lancement de bazan danton ur gwell lieu mouvant, hag bep fin eus un vei, o bern trau bouiz de velet, de Shiloh à de Clevet. Hendel, peon comps de Sgueliou, il me bande des bêtes, pesvogret, ben dans nous de blâme, vide, festival pline, ag, bon, ne ce que change calze dra, mais, derrière vous, jongeran de vos calze du de blâme, ben dans nous. Ag, programme, festival ficelle, zo bédine vende, des vaisseaux IV. Barostren, m'en bé de lit de noir un ton de bras, diabla un hippodrome, puis on va zo quand la rente, quand l'assaut, à bé d'igor de un hippodrome, bla ou à gand de mesatkos, m'en me m'en, ou à bé d'igor d'un hippodrome barostren. À blanc me zo bé de spentrim il dut, vie de course au rostren, et vie de lit dans zé, quoi. Bon, bah, c'est-tu un temps de spéceau névé, quand je drogue fait bête de larmes, mais, ben, végèle, voilà, à roisse. Qu'est-ce que Morgane.